les médias sont des médias de parti pris. Revendiquer la repolitisation de la question médiatique ou refaire des médias à une question politique, c'est-à-dire ce qu'elle est. Évidemment, c'est un engagement et c'est un engagement qui n'est pas simplement culturel. C'est un engagement qui a un sens politique tout à fait précis. Est-ce que t'entends ? On lutte pour une réappropriation démocratique des médias. Objectivité, non. Exactitude, oui. Mais les faits exacts sont toujours solidaires d'une interprétation. Sur Radio Thieu, 89.5. Bonjour à tous et aux toutes, bonjour aussi aux autres, bien entendu, vous entrez dans Plus Fort, j'entends rien, le mag d'Actu Tout Terrain, qui est en direct le mercredi à midi, rediffusé à 19h et le jeudi à 8h. Aujourd'hui, au programme de ce dernier magazine de notre saison radiophonique pour ma part, eh bien j'ai le plaisir de recevoir 4 personnes en studio pour Superstrat, la compagnie Ola. On va parler de tout ça et de bien plus encore juste après le coup de cœur de la semaine qui, pour changer un petit peu, n'est pas franchement une nouveauté puisqu'on vous l'a déjà joué, il est déjà en rotation sur Dio, mais bizarrement, alors que c'est sorti en septembre 2023, on vient seulement de recevoir le CD, donc quand même, vu qu'on nous envoie un disque, je trouve qu'il faut honorer les frais postaux au minimum et puis se faire le petit plaisir d'écouter le dernier album de Trotsky Nautique. C'est voilà, septembre 2023, donc Calda et ce disque dessiné par le Snug himself, comme à son habitude avec ce beau graphisme. Et en plus, ça s'appelle Le Meilleur de Abba, avec une très belle cover dessinée du superbe et incroyable groupe suédois. Sauf que là, ça s'écrit A, accent grave, B-A-S. Et pour vous faire une petite idée de la tracklist, il y a Abba David Lynch, Abba Patricia Cass, Abba Le Travail, Abba Le Hard Rock, Abba Lucky Luke, enfin pas mal de Abba, 14 Abba même pour être précis, plus une compilation du Best of Live enregistrée n'importe comment parce qu'il y avait de la place sur le disque. Voilà, grosso modo, et ça c'est la deuxième partie. Je vous propose tout de suite le dernier morceau du Abba, puisqu'il s'appelle Abba l'Humanité. Tout de suite, Trotsky Nautique sur le 895. Il a été décidé qu'à partir de dorénavant, celui-là qui donnera son avis entre McDo et Burger King sera condamné à travailler en abattoir. Il a été décidé qu'à partir de dorénavant, celui-là qui utilisera l'expression un couple d'amis sera condamné à manger des verrines apéritifs pour l'éternité. Abba l'humanité, à l'unanimité, abba l'humanité. Abba l'humanité, à l'unanimité, abba l'humanité. Il a été décidé qu'à partir de dorénavant, celui-là qui fera le geste des guillemets avec ses doigts sera condamné à avoir les doigts de la main qui pue des pieds. Il a été décidé qu'à partir de dorénavant, ceux-là qui posteront des photos de vacances sur les réseaux sociaux seront condamnés à assister à mes soirées diapo. Abba l'humanité, à l'unanimité, abba l'humanité. Abba l'humanité, à l'unanimité, abba l'humanité. Abba l'humanité, à l'unanimité, abba l'humanité. Abba l'humanité, à l'unanimité, abba l'humanité. Rejoins-nous toi aussi pour créer des musiques. mains ou avec les pieds, mais surtout avec un max d'énergie. Trotsky Nautique à l'instant sur le 895 et bienvenue à vous, chers invités. Salut, bonjour. Salut, je vais vous laisser vous présenter avant de rentrer dans le vif du sujet aux auditeuristes de Radio Audio. On commence par toi, parce que moi je suis très aiguille d'une montre. Ah oui, on respecte un peu le, ouais, on le respecte. Sens, quoi. Bah c'est ça. Ok, respectons. Mais si vous voulez le faire en bordel, vous avez le droit d'amener votre groove. Oh, on y va alors. Bonjour, je m'appelle Jonathan et je fais partie en ce moment de la compagnie Ola. Donc c'est en ce nom que je suis là. Bonjour, moi je suis Hélène, je suis chargée des relations publiques pour Superstra, qui est donc l'association qui accueille la compagnie en partenariat avec la maison d'arrêt de la Talaudière. Eh bien bonjour, moi je suis Anne-Cécile de la compagnie Ola. Et moi c'est Joanne de la compagnie Ola aussi, entre autres. Ola aussi donc. Alors, chers auditeurs, pour une fois, j'ai fait un chapitrage. Et ouais, on va faire ça un petit peu dans l'ordre, vu qu'il y avait plusieurs choses qu'on avait envie de développer aujourd'hui. Déjà, tout simplement, quand même dire aussi que, parce que c'est pas tous les jours qu'on me contacte un an à l'avance pour caler une émission, quasiment, que donc ce spectacle et création et atelier, on vous en dira plus de la compagnie Ola, est en train de créer des ateliers au niveau de la Talaudière. Ça se passe en prison. On va parler de ça et c'est aussi pour ça qu'on avait beaucoup anticipé qu'il y aura une diffusion d'une création qui est donc en cours d'enregistrement à la rentrée en septembre. Mais commençons par le commencement. Le cadre, l'accueil, Superstrat. Hélène, salut. Salut. Donc, question extrêmement originale, peut-être commencer par présenter ton association. Oui, on a l'habitude. C'est toujours bien de le faire. Alors Superstrat, donc, c'est une association qui a pour mission principale le soutien à la création artistique par le biais d'accueil en résidence d'artistes sur des temps d'écriture de spectacles. On essaie de faire revenir également les spectacles une fois qu'ils ont été créés. Ça nous permet d'avoir des boucles un petit peu d'une année sur l'autre en lien avec un territoire d'accueil. Un second axe de mission, c'est donc l'action culturelle, l'organisation de projets de médiation qui sont vraiment co-construits avec un territoire, avec ses acteurs, avec des habitants. Nous organisons également des formations professionnelles pour les artistes dans la perspective de pouvoir donner des écritures, des outils d'écriture de spectacle pour que les artistes puissent faire un peu un pas de côté dans leur travail de création et avoir des temps vraiment de réflexion, de mise à plat d'outils en fait pour construire une dramaturgie de spectacle. Alors dans l'histoire de Superstra, il y a aussi un petit bifort, puisque vous êtes à Saint-Étienne depuis quelques années maintenant, peut-être 4 ans, quelque chose comme ça. Depuis 2019, oui. 5 ans. Mais il y a un passif un petit peu dans toute la région Loire-Haute-Loire qui vient de là. L'installation à Saint-Étienne, le changement d'axe un petit peu, est-ce que tu peux parler, est-ce que ça a aiguillé sur des projets plus urbains, comment vous continuez à travailler? Alors effectivement, je n'ai pas été au bout de la présentation, parce qu'il y a du coup notre rapport au territoire qui est très important dans le projet de Superstra. En fait, nous, notre spécificité, c'est que nous sommes itinérants, donc nous n'avons pas de lieu, ce qui fait qu'on peut quelquefois ne pas être bien repéré ou pas être bien compris également. En fait, on a un territoire d'action qui est assez vaste, va donc de la Loire, Saint-Étienne, la métropole et la Haute-Loire. On travaille plus spécifiquement à l'ouest de la Loire, sur Loire-Forêt Agglomération, sur la métropole de Saint-Étienne et Saint-Étienne et plutôt au nord de la Haute-Loire. Mais voilà, ça peut varier en fonction des partenariats qu'on a. En fait, du coup, nous ne faisons rien seuls parce que nous n'avons pas de lieu fixe, mais toutes nos actions se construisent en lien avec un réseau de partenaires, donc en milieu rural et en milieu urbain. Donc on a gardé vraiment cette présence en fait sur les deux territoires. Et puis voilà, l'actualité nous montre que c'est toujours important de se déplacer en milieu rural, même si on n'en doutait pas. Et en fait, on, du coup, également sur les esthétiques qu'on soutient et qu'on accueille sur ces territoires-là. Donc on a un axe au sens large qui est spectacle vivant, mais on a une attention toute particulière aux projets qui vont justement se déployer en espace public et dans des lieux non dédiés, parce que aussi notre territoire d'action fait qu'on n'a pas toujours des équipements dotés pour accueillir des spectacles qu'ils demanderaient. Et en fait, on a ce regard vraiment sur des créations qui vont pouvoir créer avec ce qui est là et s'adapter in situ à des contextes et à des personnes, voilà, à des espaces qui sont disponibles. Alors j'ai l'impression que je n'ai pas tout à fait répondu à la question, peut-être je me suis un peu... Si, tout à fait, tu l'as même développé, moi j'adore quand j'ai même pas relancé, ouais. c'est super. Je me demandais, mais je suis pas sûr que dans l'équipe il y ait des personnes qui ont vécu le lieu de résidence en Haute-Loire avant... Oui. Et justement, dans les différences entre recevoir et aller chercher justement des maisons un peu itinérantes comme ça, ce qui avait pu changer justement dans toutes les manières de travailler, j'imagine beaucoup, même presque tout. Oui, alors effectivement, tu fais référence du coup au lieu initial en fait qu'animait l'association donc, qui s'appelle l'Hôtellerie de Pontempéra, que l'association a quitté depuis 2016. Et effectivement, en fait, Superstra, ça a été tout un projet à réimaginer, donc à partir de ce point central en fait qui était effectivement à la confluence de la Loire et de la Haute-Loire, donc à Pontempéra. Et en fait, ça a été toute une manière de travailler à réimaginer, effectivement, en réfléchissant plus comment on pouvait aussi accompagner le développement culturel des territoires, être à l'écoute en fait des initiatives qui sont présentes sur des territoires pour pouvoir amener des projets qui ont du sens là où on les emmène, et de pas juste venir avec quelque chose de clé en main, mais de réfléchir ensemble en fait avec quelle commune, avec quel partenaire on peut associer autour de ça. Donc effectivement, c'est une toute autre méthodologie qui demande plus de temps aussi, mais qui permet de construire vraiment autour d'un accueil, et que le territoire d'accueil s'en empare aussi d'une manière ou d'une autre, que ce soit par un temps de discussion après la sortie de résidence, une association locale qui est là pour tenir une buvette qui est présente sur place. On associe, quand le projet culturel le demande, des temps d'atelier, des temps de rencontres, de récolte de paroles. Enfin voilà. En fait, tout part du projet artistique que l'on choisit, bien entendu, par son intérêt, ce qu'on repère, nous, d'intéressant dans le projet, mais aussi de tout en gardant en tête comment notre territoire d'action va être pertinent en fait par rapport à ce projet, comment ce projet va pouvoir répondre à des enjeux ou des questionnements qui sont présents sur le territoire. Et ensuite, on tisse sur mesure à chaque fois pour chaque accueil. Donc, ça demande beaucoup d'anticipation, de repérage, de rendez-vous aussi, mais c'est passionnant. Il y a une dimension qui doit se modifier, j'imagine, un petit peu autour de... Alors, le mot isolement est très mauvais, mais j'en trouve pas d'autre. Entre le fait de créer un ermitage un peu bouillonnant dans un endroit perdu et d'arriver maintenant, là, sur quelque chose où finalement tout se bâtit et s'appuie sur un réseau un peu permanent, avec ce magnifique mot, ses partenaires, etc. C'est aussi quelque chose qui fait que vous co-construisez avec tout ce qu'il y a autour de vous. Oui. Alors effectivement, le mot partenaire, pour nous, c'est le mot valise par excellence. Ça regroupe plein de choses différentes. Mais effectivement, en fait, on n'est pas dans cette démarche d'avoir un lieu et d'essayer de faire venir le public à tout prix dans nos murs, d'ouvrir l'institution culturelle. En fait, nous, on est plutôt dans la démarche d'aller investir des lieux de vie, en fait, que l'on repère. Quelquefois, ça peut être des salles des fêtes, ça peut être des prairies en centre-bourg, en milieu rural, ça peut être tout type l'espace public. Enfin, on réfléchit aussi en lien avec donc les communes, les espaces qu'on investit sur en fonction des usages des lieux, et là où ça va être pertinent en termes de rencontre avec le public, parce qu'en fait c'est ça qui nous intéresse aussi, c'est de briser un peu ce quatrième mur, en tout cas de mettre en place d'autres formes de relations avec le public, que le public puisse avoir une autre place pendant la présentation. Et puis en fait, c'est aussi l'action principale, c'est l'accueil en résidence. Avant de faire de la diffusion et de l'accueil de spectacle, c'est vraiment la résidence. Et ces temps de résidence de une semaine, deux semaines, trois semaines, quelquefois ça revient plusieurs fois, ça peut se construire sur une année ou deux années, ça permet aussi dans le temps de créer d'autres formes de relations en fait avec les habitants, en fait, au fur et à mesure que le projet avance. c'est un peu plus palpable, en tout cas, comment la création se met en place. Ça permet de voir un peu les coulisses de ça, en tout cas de participer et d'être partie prenante d'une création. Alors, sur le côté résidence et événementiel, on a déjà reçu plusieurs compagnies qui ont bossé avec vous. Donc, les fidèles de Dio, là, ça y est, ils s'ennuient parce qu'ils ont déjà compris ce que vous faisiez, c'est super, tout ça. Il y a un truc que je me suis rendu compte dont on n'avait pas beaucoup parlé, c'était l'aspect formation, qui n'est pas forcément la partie la plus visible aussi de ce que vous faites. C'est des formations professionnelles. Est-ce que tu peux détailler un petit peu les optiques et comment vous mettez en place, comment vous décidez que vous allez proposer telle chose ou telle chose? Oui, alors effectivement. Alors, à l'époque où Superstra occupait un lieu, on avait donc un programme de formation qui était un peu plus autour des outils d'interprétariat, en fait, pour les artistes. Après, on s'est un petit peu adapté aussi au regard de comment le secteur fonctionne aujourd'hui. Et en fait, on est à l'écoute aussi des besoins que peuvent avoir les compagnies sur les temps forts aussi, les temps professionnels de festival. On est un petit peu en veille de ça, de comment évolue la profession, de là où les besoins peuvent être aussi sur les temps de formation. Et on a plutôt orienté donc cet axe de formation sur vraiment des outils d'écriture, parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de compagnies étaient seules en fait à écrire leur spectacle dans leur coin, que c'est pas toujours évident d'avoir un regard extérieur qui peut être présent et suivre une création. Et du coup, on a eu vraiment eu envie d'être à cet endroit-là. Donc, ça reste pluridisciplinaire en fait. Ça s'adresse aussi bien à des comédiens, des performeurs, performeuses, des danseurs, danseuses, circassiens, circassiennes aussi. Auteurs, autrices, c'est assez vaste. Et on a du coup, on a à peu près entre 3 et 5 formations par an qui peuvent. Alors, pour certaines, c'est vraiment l'idée de venir avec un projet, en fait, là où il en est, et de travailler à partir de ça. Pour d'autres, ça va être plutôt des allers-retours entre des outils qui sont proposés par un intervenant et un retour à une création qu'on peut avoir en parallèle pour voir comment ça peut nourrir ça. Mais voilà, en tout cas, c'est jamais très loin, cette optique d'apport, en fait, d'outils de dramaturgie que les artistes puissent utiliser, en tout cas garder dans leur bagage pour la suite. Et donc après, voilà, c'est des choses qu'on en discute avec des intervenants. Donc ça peut être des personnes qui sont des directeurs artistiques, de directrices artistiques de compagnies qu'on accueille. On voit qu'il y a des thématiques qui pourraient être intéressantes de traiter plus spécifiquement avec cet artiste-là, plus autour de la performance, de la création sonore ou du rapport à l'espace public. Vraiment on a de plus en plus de formations qui s'orientent là-dessus parce que ça a plus de sens aussi par rapport au reste de nos activités. En fait, on essaie de lier un peu tout ça. Et en fait, c'est comment on travaille avec l'espace public, comment le corps est en jeu dans l'espace public, comment on prend en compte tout l'environnement et là où on est. Et donc voilà, c'est des choses, on en discute avec les intervenants que l'on cible, on construit des programmes pédagogiques et puis on essaie de communiquer le plus largement possible. C'est des formations qui ont lieu pareil, soit à Saint-Étienne, soit en milieu rural, soit dans la métropole, c'est aussi des partenaires qu'on associe. Alors là, c'est plus des lieux qui nous accueillent seulement, mais en tout cas, ça reste sur notre territoire d'action et on voit en fonction du type de personne, du profil de personne que ça peut attirer, là où ce serait plus pertinent de l'emmener. Est-ce que la formation a besoin aussi de travailler en espace extérieur plus en milieu urbain ou alors plus en milieu rural, et là, on va aller plutôt dans la Loire, dans le nord de la Loire, par exemple. Enfin voilà, c'est en tout cas, nous, on essaie de le lier en fait vraiment le plus possible au projet Superstra, parce que Superstra, c'est des parcours d'expérience artistique, donc c'est à la fois c'est un sous-titre qui est dirigé à la fois pour le public mais aussi pour les artistes, parce que quelquefois il y a des compagnies qu'on a accueillies en formation qui ont travaillé sur des projets qui étaient au tout début dans le cadre de nos formations et qu'on a accueillies en résidence par la suite, donc c'est des endroits aussi où on peut repérer des artistes. C'est un des autres une des autres facettes en tout cas d'accompagnement. Voilà. Dac, maintenant je vais te proposer un temps Nostradamus et communication, on pourrait l'appeler comme ça, parlons du futur proche. Il y a la compagnie Altra qui arrive sous peu dans le secteur. Est-ce que tu peux parler de ce prochain rendez-vous de Superstra? Oui, tout à fait. Alors c'est donc la compagnie Altra, c'est une compagnie basée à Saint-Étienne que l'on emmène au sud de la Haute-Loire, à Saint-Privat-d'Allier, donc dans le cadre d'un festival qui s'appelle le Festival Versant, qui est porté par le collectif 880. Donc la compagnie a déjà été en résidence là au mois d'avril sur le territoire en lien avec le collectif. Et donc là, la compagnie est encore cette semaine en train de travailler dans la commune et présentera une étape de travail donc ce samedi à 14h30 à Saint-Privat-d'Allier dans le cadre du festival. Donc allez-y, c'est un endroit très sympa, c'est un festival qui est très chouette et c'est l'occasion de découvrir aussi le territoire. Et sur la rentrée prochaine, après, vous avez des temps forts peut-être dont tu as envie de parler déjà. Tu as déjà la nouvelle plaquette ? Alors oui, effectivement, je l'ai sous les yeux, j'ai mes antisèches. Et oui, alors elle est sortie, elle n'est pas encore diffusée, elle le sera à partir de fin août à Saint-Étienne et puis sur notre territoire. Elle est disponible déjà sur notre site internet. Et effectivement, donc nous, on va faire notre rentrée assez tôt, fin août, début septembre. On va accueillir une compagnie qui s'appelle le Dirt Théâtre, qui est basée en Ardèche. Sur des avant-premières d'un spectacle qui s'appelle Non Grata, qui jouera, donc il y aura un temps de résidence à Saint-Genès-l'Hère, et des avant-premières dans le cadre du festival La Houve à l'Indien, qui est un partenaire régulier maintenant, avec qui voilà, on programme des diffusions de spectacles. Donc ce sera le 7 et 8 septembre. Et ensuite, en septembre également, on accueillera une compagnie, le Thiaz, sur une représentation à Abouin, qui est une commune de la métropole. À Abouin et non pas Abouin. Voilà, c'est ça, on a les deux, et effectivement, il faut le préciser. C'est un spectacle qui s'appelle Mythogénie, étude animée des croyances ordinaires. Et c'est un spectacle qui nous plonge dans un monde futuriste pour nous parler de notre rapport à nos croyances collectives et de comment on se comporte par rapport à ça, qu'est-ce que ça implique, voilà, entre croyances collectives, croyances individuelles. Voilà, à découvrir en septembre. Et puis on vous renvoie au site internet de Superfrappe, qui est aussi joli que leur plaquette, histoire de se perdre un petit peu dans les... Ben oui, mais on a beaucoup parlé, je voulais parler des plaquettes aussi, mais là on n'a plus le temps, là c'est plus possible. On reviendra, c'est pas de souci, et on parlera graphisme. Auditorice, maintenant je pense que c'est le moment de rentrer un petit peu dans le dur, sans vouloir dénigrer ta parole, bien entendu Hélène. Je voulais vous proposer... d'introduire un petit peu les discussions à suivre par une écoute, tout simplement. Ça va peut-être sembler un petit peu mystérieux, mais j'avais envie de ne pas présenter. Perdez-vous donc quelques minutes dans ce son qui va suivre, on va en parler juste après. Et j'ai trouvé que l'extrait en plus commence vraiment avec une introduction, c'est une entrée, c'est plus que, comment on dit, adapté à la situation. On se retrouve tout de suite sur le 895. Tu n'arrives pas sans raison à la maison d'arrêt, je veux dire, de ton propre chef. Mon père a été emprisonné 5 ans dans les années 70 sur une île au Pérou. Franchement, c'est presque un film. Alors quand je rentre pour la première fois à la maison d'arrêt, je passe la porte avec cette histoire dans ma poche. Il n'y a pas grand chose qui échappe au contrôle de l'entrée d'une prison. Mais les vieilles histoires de tes ancêtres, elles se faufilent. Tranquillement. Tu n'arrives pas sans histoire à la maison d'arrêt. Nous sommes trois. Johan, Geneviève et moi. La première porte, c'est l'entrée du site. Un portail automatique qui ne s'ouvre pas, sauf si tu es bien positionné à gauche. Première épreuve, facile. Je suis bien positionné à gauche. Se faire une place. Histoire d'une vie. Il y a un nombre impressionnant de voitures. Le site est grand. On y trouve un restaurant associatif tenu par des surveillants qu'on appelle le mess. Un petit bois qui sent le pain mouillé. Des personnes encore syndiquées qui laissent des drapeaux fanés aux fenêtres. Et au fond, le géant. Le monstre aux 6 étages. Le bâtiment A. Ils sont 600. Ça fait un paquet d'histoires. La seconde porte est une double porte. Elle partage le monde en deux. Ceux qui viennent au parloir et les autres. Ceux qui ont choisi de venir ici. Le jour où tu passes cette porte, le monde se sépare vraiment en deux. À présent, il y aura toujours deux entrées. ceux qui sont en prison et ceux qui n'y sont pas, ceux qui sont enfermés et ceux qui ne le sont pas. Moi, j'ai pris la porte de gauche, je suis passée nickel avec tous mes ancêtres. J'ai même pas sonné. Le monde est séparé en deux, ceux qui se sentent coupables dès qu'ils sont en présence d'un flic et les autres. Lettre à la police, à la justice et à la prison. Demain, bientôt, les derniers jours de ma peine de prison s'achèvent. Je passe le 6 octobre 2022 pour une liberté sous contrainte et je passe le 13 octobre 2022 pour les remises de peine supplémentaires à 10h en commission d'application des peines. J'ai hâte d'avoir cette réponse. Je suis stressé et angoissé. Je m'en mords les doigts. Je suis impatient d'avoir toutes ces informations pour sortir de détention. J'ai tant donné. J'ai passé 13 ans de ma vie en prison, depuis mes 18 ans, jusqu'à 23 ans. Ensuite incarcéré de 23 ans, sorti de prison à mes 27 ans. Réincarcération à 27 ans, sorti à 30 ans. Réincarcération à 31 ans, pour une peine de 6 mois. C'est pas une vie pour moi, derrière 4 murs et un tas de procédures. Dieu sait que j'endure, moi je le sais bien sûr. Il est temps de démarrer une nouvelle vie, laisser derrière moi tout ça et aller droit devant. Rentrer dans une maison d'arrêt, c'est le commencement d'un voyage. Tu te retrouves comme à l'aéroport, le tapis roulant, la cagette en plastique, le portique. Dans ce pays, tout est vétuste. Il y a une double paroi de verre entre le surveillant qui ouvre la porte et les visiteurs. Entre les deux parois de verre, il y a des araignées qui ont niché. Et leur toile se déploie sur une grande partie des vitres de la porte d'entrée de la maison d'arrêt. C'est beau. C'est triste. Derrière l'étoile, il y a cet homme à qui tu donnes ton passeport, à qui tu confies ton identité et qui la garde. Cet homme, ou cette femme d'ailleurs en uniforme, tu les regardes à peine. Leur regard est fuyant, ils sont épuisés. Et de toute manière, tout est fait pour qu'il soit un parmi les autres. J'annonce timidement la raison de mon arrivée comme une excuse. Je vais au 6e étage pour un atelier d'écriture. Avant de rentrer, je me suis débarrassée des objets douteux de mon sac à main dans le vide-poche de ma voiture. Briquet, vieil élastique, fond de tabac. J'ai laissé mon téléphone, bien sûr. Le téléphone ne passe pas la seconde porte. Je récupère mes affaires et un bip me permet de franchir la 3e porte. Ça y est, je suis dans l'enceinte de la maison d'arrêt. Je pense à mon fils qui est à l'école. J'espère que la maîtresse aura vu le mot dans le carnet de liaison. Il y a une entre-porte qui ne dit pas son nom. C'est celle du SPIP, le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Elle est entre la 2e et la 3e porte. Je la compterai pas vraiment comme une porte de maison d'arrêt. Parce que c'est une porte de l'autre monde qui s'est faufilée. Déjà, elle est en PVC. Les portes qui nous occupent, elles ne peuvent pas être en PVC. Elles sont lourdes, tu as besoin de tout ton corps pour l'ouvrir. Tu ne l'ouvres pas pour rien, tu ne la laisses pas entrouverte. Il n'y a pas de courant d'air, tu l'ouvres pas si on ne t'y autorise pas, ni pour entrer, ni pour sortir. Radio Dio, Radio Dio, 89.5 FM. Voilà un extrait sonore donc issu d'une création précédente de la compagnie Ola que nous retrouvons tout de suite en studio. Bien le bonjour. Salut. Re. Oui, bien le rebonjour. Et bien pareil alors à la compagnie Ola, présentez-vous donc s'il vous plaît pour les auditeuristes de Radio Dio à Saint-Etienne. Alors, on est une compagnie qui rassemble des artistes, je dirais des arts visuels et des arts de la scène autour du récit. Nous, ce qu'on aime, et du coup, quand j'entendais Hélène, c'est pas pour rien que nous sommes ensemble ici, c'est créer à partir d'une rencontre et d'un contexte. Donc, la plupart, la grande majorité des créations sont issues d'un travail qu'on dit de territoire, de rencontre, où l'ensemble des artistes sont, je dirais... pendant assez longtemps, c'est des mois, parfois c'est des années, dans le cadre de cabane c'est des années, quelque chose comme à disposition de personnes ou d'un territoire, comme moi j'aime bien l'idée d'être carrément des outils. qui nous permettent à la fois de créer les conditions de la collaboration et d'engager une forme de réciprocité pour trouver l'équilibre d'une création partagée, quoi. C'est des gros mots valises, mais finalement, quand on y met le cœur, ça a du sens. Et puis on va les détailler, on va dépiauter oui, votre valise de toute façon. Et voilà, du coup, ça rassemble des musiciens, mais des architectes, des plasticiens, des plasticiennes, des musiciennes, des chorégraphes. Enfin, il y a tout type de métiers. J'ai vu 18 noms recensés officiellement, ouais. En tout cas, sur votre page internet, quoi. Ouais, parce que à chaque projet, ben la distribution est différente. Ce qui nous rassemble, c'est qu'on est tous capables de frapper à la porte de quelqu'un. J'ai envie de dire. Ça, on l'a tous en commun. On peut pas avoir un artiste qui se cache. C'est votre côté témoin de Jéhovah. C'est notre carrément notre côté. mais oui, et du coup, l'équipe, même s'il y a des régularités, dont Johan, dont Sophie Foggi, des gens qui reviennent très régulièrement quand même, mais la condition, c'est plutôt la rencontre, quoi. Et dans ce pluridisciplinaire, puisqu'on utilise les mots valises, c'est vrai qu'il y a pas mal de diversité, c'est assez impressionnant, des protéiformes, comme ça, il faut que j'arrête les mots valises. Il y a quand même plusieurs spectacles et créations qui tournent en ce moment même simultanément, du coup. Peut-être parler un petit peu de cette diversité avant de rentrer dans le dur autour du projet qui nous intéresse aujourd'hui. J'ai vu notamment une performance filmée qui s'appelle Vieillir, une expo photo-sculpture, Métamorphose, plusieurs spectacles. Avant la France rien, si je te dis sauvage, un récit culinaire, tout ça tourne simultanément. Il y a des gens qui sont entre liens ou c'est des petits crews qui fonctionnent après de manière un peu séparée. J'ai réfléchi. Il y a des artistes qui sont presque partout et il y a vraiment des artistes qui sont spécifiques à des projets, quoi. Et je dirais qu'il y a trois sortes de projets. Il y a vraiment des projets contextuels qui presque existent qu'une fois et d'ailleurs qui ont souvent un rapport au culinaire. Nous, on adore la cuisine. On aime bien manger, mais on aime bien aussi de se dire que c'est un des récits vernaculaires de notre société. Moi, j'aime bien me dire que sans doute la première histoire qui a été racontée, c'est le retour d'une cueillette pour faire une salade de pissenlit, quoi. Et voilà, donc il y a vraiment des projets qui n'existent. Là, il y a un projet qui s'appelle Les Pieds sous la table, qui n'existe qu'une fois et qui est un travail entre récit et cuisine. Il y a des spectacles comme Si je te dis sauvage, qui sont issus de longues périodes de 3 ans, où l'équipe artistique est formée de personnes qui vivent dans un foyer, qui souffrent d'un handicap psy, et nous. Voilà, et ces projets-là, eux, ils tournent, mais ce sont des protocoles qui tournent, ils se refont à chaque fois différemment. Peut-être on peut développer un petit peu, on peut s'arrêter là-dessus. Jonathan, toi, tu participes à ce projet. Tu peux nous poser un petit peu l'ambiance, comme ça ? Ouais, moi, j'ai rejoint l'équipe. Le travail était déjà en cours, mais à un moment, Johan, Anne-Cécile et les autres ont eu besoin de renfort. Alors, je sais pas, moi, je me suis jamais senti comme un renfort. C'est plutôt comme un rang faible, mais bon, alors en l'occurrence... Tu sous-estimes peut-être aussi. Oui, peut-être, c'est possible, mais bon, des fois, c'est... Donc j'ai rejoint l'équipe, là plutôt en tant que musicien ou percussion. Alors, c'est vraiment un projet vaste et assez copieux, pas ambitieux, parce que c'est un mot qui est moche, mais qui est quand même qui porte beaucoup de choses. La rencontre avec les gens du foyer... Et puis une ribambelle de costumes. L'un des cœurs, il y aurait plusieurs cœurs comme un poulpe, mais l'un des cœurs de ce Si je te dis sauvage, c'est des costumes, c'est des pétassous, c'est des costumes faits en bande de tissu qui recouvrent totalement le corps. Et là, je crois qu'on en a la dernière 70 costumes comme ça. Donc il faut imaginer une espèce de horde de personnages costumés qui déambulent dans une ville, qui ont des actions, qui ont des gestes, qui ont des mots parfois, et qui proposent une errance dans une ville et accompagner. Donc c'est des espèces de, un peu comme des joueurs de flûte de Hamelin, les gens les suivent et il se passe tout un tas de choses. Donc c'est assez fantastique en fait, quoi. Donc moi j'étais embarqué là-dedans et je suis comme un enfant là-dedans aussi. Et alors autant sur Cabane, tu es là sur le volet écriture, autant là c'est sur le côté musical, peut-être aussi pour te présenter, parce que du coup ça va mettre des mots pour les auditeuristes d'audio qui ont déjà entendu notamment ta musique. Tu fais aussi partie du projet Chocolat Billy ? Ouais. Ouais. Ouais. Oui. Depuis le début, c'est Chocolat Billy, c'est un vieux groupe maintenant dans le paysage musical, on va dire. Musique un peu en marge, musique un peu déviante, pop, chelou. Ça fait plus de 20 ans qu'on joue ensemble et on continue. Donc le groupe continue à jouer. Et le groupe est basé à Bordeaux. Moi, j'habite plus à Bordeaux depuis longtemps, donc je fais beaucoup d'allers-retours. J'ai un bilan carbone horrible. Mais le groupe continue à jouer. Donc oui, on joue un peu partout, quand on est invité, quand on a envie, quand... que dire de plus? Le dernier album a un an ou deux. Est-ce que la cuisine fonctionne? Vous êtes au fourneau? Pas du tout. Ouais, carrément. Ouais. Ouais. Mmh. Ok. On est au fourneau, mais comme nous, c'est un processus très long. On cuit à cuisson. C'est un ragoût à feu doux. À feu doux, quoi. Mmh. C'est 100 degrés au four pendant des années, quoi. Ok. Voilà. Très bien. Donc c'est un long processus. Et vous n'êtes pas desséché? Mais j'ai pas l'impression. Tant mieux pour vous. Enfin, ça, c'est pas à moi de le dire, mais. Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, on s'amuse encore beaucoup. On a encore une forme de. Le cœur est fondant encore. Ouais. C'est un moelleux au chocolat. Ouais. Cabane, alors. Cabane et plus si affinité. Parce que finalement, j'ai du mal à savoir comment introduire et comment parler de ça. Comment débuter le processus? Est-ce que c'est par les ateliers? Est-ce que c'est la volonté d'un spectacle? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait l'étincelle? Ça commence par la pièce presque. Enfin, c'est quand même une étape de cette pièce-là, mais ça commence vraiment par un désir de rentrer à la maison d'arrêt de Gradignan. Donc, c'est la maison d'arrêt qui est en métropole bordelaise, qui est une grosse maison d'arrêt qui, d'ailleurs, qui doit dater un peu comme la Talaudière des années 70. Avec une proposition très simple, et il n'y a pas d'enjeu de spectacle au début. On est vraiment dans ce que tout à l'heure je racontais de comment on propose quelque chose qui pourrait être un outil pour des personnes. Et là, c'est au bord de l'écrivain et de l'écrivaine publique. C'est-à-dire qu'on propose on rencontre Clara, qui à l'époque est coordinatrice d'action culturelle là-bas, et on lui propose d'accompagner des détenus UE à écrire des lettres, d'être une sorte d'enveloppe pour eux. D'enveloppe dans le sens où c'est pas du tout un atelier d'écriture. En vrai, l'enjeu, c'est pas du tout d'apprendre à écrire, mais plutôt de les accompagner à porter un message, des fois d'écrire pour eux, des fois d'y amener des purées, d'y amener du mouvement, d'être plutôt de comment notre langue peut rencontrer la leur et surtout respecter la leur. De les enregistrer et de trouver une collaboration avec une radio pour diffuser ces messages. Enchantée. Et de notre côté, nous, on prend contact avec les personnes à qui sont adressées ces lettres quand il y a des personnes, parce que des fois, par exemple, à la Talaudière, il y a une très belle lettre au soleil. Donc, on n'a pas pris contact avec le soleil, on va l'inviter. Et en retour ou pas, s'ils le veulent, ils peuvent me commander. Moi, là-bas, je suis photographe, une photographie d'eux. Et le projet tenait en un mot. Des mots sortent de la maison d'arrêt et des images rentrent dans les cellules. Voilà. Ça, c'est en mars 2022. Et puis, quand on rentre à Gradignan, on est retourné, quoi. On est retourné, pas forcément l'endroit où on l'avait imaginé. Ce qu'on a aimé, je crois, c'était que, justement, on n'était pas étonné à l'endroit où on le pensait. Ce qu'on nous a choqué, c'est la complexité de ce monde, une violence partagée par tous, et un étonnement à chaque fois qu'on ouvre une porte, quoi. De toute façon, ça ne se passe jamais comme prévu dans une maison d'arrêt. Et du coup, on a commencé à se dire, à ce moment-là, on voudrait faire un spectacle. Et c'était en 22, quoi. Et puis après, on a commencé à se dire, il faut qu'on connaisse autre chose que Gradignan. Donc on a été invité, on a eu cette chance d'être invité par l'ENAP, donc ça c'est l'École Nationale d'Administration Pénitentiaire, où tous les professionnels de la détention passent par l'ENAP, qu'ils soient de l'insertion ou de la détention. Et ça c'était super parce que ça nous permettait aussi de rentrer dans cet autre monde auquel on n'avait pas du tout accès. Donc on travaille déjà depuis un an avec des surveillants, et ça c'est bien bouleversant. À quel niveau ? Moi, de là où je viens, j'ai pas l'habitude d'être entourée de gens en uniforme, quoi. Je suis jamais de ce côté-là. Donc c'est bouleversant, moi en tant qu'individu, moi en tant qu'artiste, d'être de l'autre côté, quoi. Et donc du coup, parfois d'être bouleversée par mes propres a priori, parfois d'avoir un surgissement de tendresse pour une fonction qui peut me choquer, et parfois être encore plus choquée par des mots d'un jeune surveillant qui n'a pas encore eu accès à une formation assez longue. Enfin, c'est... finalement, l'ENAP est presque plus bouleversante qu'une maison d'arrêt, pour moi en tant qu'individu, quoi. Et puis après, on a cherché d'autres maisons d'arrêt. Et c'est comme ça qu'on est, on est allé voir Superstra, parce qu'on a essayé d'associer, avec une sorte de carte, des maisons d'arrêt qui semblaient un peu différentes et des structures qui étaient capables d'aménager cette rencontre. Parce que quand même, c'est rare et c'est précieux, des structures culturelles qui ne sont pas là pour reproduire des... je sais pas, des spectacles comme ça qui pourraient se diffuser, mais qui accueillent le fait qu'on est en recherche et que ça s'écrit avec des gens, parce que c'est un vrai savoir-faire. Et c'est là qu'on a envoyé un mail à Superstra et qu'on s'est rencontrés et qu'on arrive là. Donc concrètement, vous commencez par des ateliers en milieu carcéral. Ouais, et à l'ENAP, parce qu'il y en a quand même, parce que les jeunes surveillants, on les a fait écrire comme les détenus. On a aménagé le même protocole. Et ça, c'était intéressant aussi. Moi, j'avais envie de vous demander si vous pouviez mettre des mots justement sur la relation qui se crée dans la création enfermée, j'ai envie de dire. Alors, dans la relation entre nous et les détenus ? J'imagine qu'il y a plein de choses qui se jouent, oui, de toute façon. Alors, je ne sais pas si c'est la... Parce que pour l'instant, pour nous, on est vraiment dans le cadre d'un... Je dirais d'une récolte de récits. C'est-à-dire que nous, on vit des expériences humaines et artistiques où finalement, moi, en tout cas, je vais parler à jeu, je ne mets pas un enjeu de création dans la lettre que vont produire ces personnes. Moi, je suis là vraiment pour la porter, cette lettre, avec lui ou elle. De toute cette matière, à un moment donné, je vais en produire autre chose. Tu vois ce que je veux dire ? Et après, franchement, dans la... Ce que disait Jonathan très justement ce matin, mais presque je me suis sentie plus enfermée à l'ENAP qu'en détention. Ouais, c'est vrai que hier, avant-hier, lorsqu'on est arrivé à la Talaudière, moi c'était la première fois que je venais en détention. Auparavant, on a été pas mal ensemble à l'école nationale pénitentiaire à Agen. Et au bout de quelques moments, à la Talaudière, on a vite rencontré les détenus, on a discuté, il y a eu une proximité, il y a une... Et moi j'ai oublié, très vite, dès que j'étais au contact des détenus, j'ai oublié où j'étais, quoi. J'ai oublié qu'on avait traversé les portes, qu'il y avait au dehors des gens en uniforme, des surveillants. Les quelques heures qu'on a passées ensemble... Moi, j'ai surtout rencontré des gens. J'ai un peu oublié les détenus, alors que lorsqu'on était à l'ENAP, on n'oubliait jamais qu'on était en présence de surveillants, de gradés, de supérieurs. Donc là, il y a un trouble, quoi. Moi, c'est ce qui, depuis qu'on travaille dans ce cadre-là, c'est finalement ce qui m'a le plus troublé, quoi. La détention, c'est le monde. Ouais. Et c'est ça qui est chouette, j'ai envie de dire. Ce qui serait fou, ce serait penser que c'est pas le monde. Que ça serait extraordinaire ou qu'il serait monstrueux. En fait, ce qui n'évacue pas notre révolte, de plein de choses, hein, ça évacue pas bien sûr. Une pensée politique. Mais du moment en plus que notre proposition, elle est très, je crois, humaine. Et puis quand t'as quelqu'un en face de toi qui réalise que oui, je vais prendre contact avec ta maman, t'inquiète, et que c'est moi qui vais me charger qu'elle va recevoir ce message, à ce moment-là, il y a une relation de confiance qui est très forte, quoi. Après, la détention, c'est le monde, mais aussi le monde dans tout ce qu'il y a de précaire, de discriminé, etc. Une relation toujours, j'imagine, un peu conflictuelle, contradictoire. Et sur le côté récolte de paroles, récits, c'est vrai qu'on a discuté quand on s'était rencontrés en amont de cette période qu'il y avait notamment dans les radios où il y avait beaucoup de radios en France qui avaient une émission, qui avait un numéro de téléphone pour pouvoir faire sortir cette parole détenue, pour pouvoir diffuser des messages, etc. Une pratique radiophonique qui est un peu tombée en désuétude parce que malgré l'interdiction, il y a d'autres moyens de communication à l'intérieur, il y avait moins d'appels, il y a beaucoup de gens qui ont arrêté, qui sont transformés sur une critique carcérale ou des choses comme ça, qui c'est pas un lien qui s'est perdu, mais quand même il y a quelque chose de cet ordre-là. Et je me demandais aussi justement cette parole détenue qu'on veut faire sortir, comment est-ce qu'on deal avec l'administration pénitentiaire aussi sur qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui sort pas. Il y a un contrôle des lettres, c'est pas du tout des secrets, donc j'imagine qu'il y a des choses qui sont discutées dans le protocole de départ. Alors il y a une règle qui est ne pas parler de l'affaire pour laquelle on est là, mais ça généralement c'est plutôt une règle partagée, tout le monde est d'accord. Les détenus, ils sont d'accord. Et il y a les règles qui sont différentes si tu es condamné ou si tu es prévenu. Si tu es prévenu, tu dois avoir 3 autorisations, celle du juge, parce que quand tu es prévenu, tu es présumé innocent, c'est important de le dire. Et du coup, le juge, il va vérifier que ce que tu dis ne pourrait pas... créer des problèmes à toi ou à la potentielle victime, il y a ça. Il y a la direction de la prison, il y a la DISP. Donc il y a 3 niveaux de relecture quand même. Et si t'es condamné, non, il y a que la prison. Franchement, je le disais tout à l'heure, mais ça ne se passe jamais vraiment toujours pareil en dehors de ça. C'est-à-dire, par exemple, l'expérience dont je peux parler, moi, c'est Gradignan. Gradignan, c'est un monstre, quoi. Les mauvaises conditions de détention, elles sont connues par tous. Je pense que tous voudraient que ça soit autrement, en vrai. Je parle de ceux qui travaillent. Donc, on n'a jamais... Tu veux dire des prisons un peu ciblées, comme il y a pu avoir la santé ou des choses... Ah bah, ils sont dans les 6 pires, quoi. Les rapports des défenseurs des droits sont vraiment les plus forts. Et qu'on est 3 dans une cellule, que c'est super violent. Et quand c'est violent comme ça, c'est violent pour le surveillant et pour le détenu. Donc, par exemple, nous, on fait une lettre collective à chaque fois, ça, on ne l'a pas dit, qui, en général, dénonce les conditions de détention. Ça n'a jamais été censuré, quoi. Depuis 2022, on a eu 3 censures. De toute façon, on a une règle, on dit on tente. Et les censures, pour pas, elles n'étaient pas... On a bien tenté, quoi, je veux dire. C'était haut, quoi. Mais sachant qu'il y a un contrôle derrière, même dans la manière d'écrire, de livrer, j'imagine, des détenus, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'aboutir à... Comment on peut appeler ça ? Une espèce de prison washing qui gomme un petit peu certaines aspérités pour ne pas avoir non plus de conséquences après l'atelier, après écoute. Enfin, j'imagine qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui doivent être un peu réfléchies. Moi, j'ai l'impression, mais toi, il pourrait en parler, les gars, aussi, que quand même, ils prennent cette possibilité pour parler essentiellement, quand même, en dehors de la lettre collective, aux gens qu'ils aiment. Nous, on écrit des lettres d'amour. On écrit des lettres d'amour essentiellement à des femmes, que ce soit un homme ou une femme, d'ailleurs. Les hommes sont quand même assez peu présents. Dans le contenu d'écrit. Ouais. De toute façon, les hommes, ils ne sont pas très présents, ils ne vont pas au parloir... on parle de femmes, de mères, oh là là, de mères, de petites amies, d'enfants, de sœurs. C'est d'abord cette possibilité-là, quoi. Après, la lettre collective, vu que nous, c'est quelque chose d'imposé, entre guillemets, là, oui, on commence à pouvoir leur dire, allez, qu'est-ce qu'on a en commun ? Donc, ce qu'on a en commun, c'est ça, et là, la critique peut arriver. Enfin, on amène cette possibilité. Mais sinon, non, eux, ils veulent... Voilà, on a un Thomas qui est déjà qui veut écrire sur la règle. Mais c'est quand même assez rare, quoi. Ouais, Jonathan. Non, ce Thomas veut écrire sur l'arbitraire et parfois l'absurde de la règle qui est imposée aux détenus et qui est complètement donc lui, il a envie de parler de ça. On lui a dit OK, il faut y aller. Juste, il faut trouver la subtilité pour pas que ça soit justement censuré ou quoi. Donc nous, on est un peu là justement pour accompagner et pas lisser le propos. Non. Et pas lisser, mais en sachant qu'il y a des choses qui sortiront pas. Donc il faut trouver l'équilibre entre pas lisser le propos. Et ce qui est important, c'est non seulement ce qui est dit, mais c'est la langue aussi. C'est la métaphore, ça. J'imagine. C'est pas toujours métaphorique, ça peut être assez cash. Ouais. Hein. Par exemple, le Thomas en question n'est pas du tout métaphorique. La métaphore, elle est souvent utilisée plutôt dans les lettres personnelles, un peu poétiques, ou quand tu vois. Mais là, on n'a pas affaire à quelque chose de métaphorique, mais d'arriver à trouver la justesse pour que. Mais avant tout, la première lettre que va écrire Thomas, c'est une lettre d'amour, quoi. Et ça, c'est assez beau parce que, en fait, pour le coup, dans le spectacle, ça m'intéresse cette histoire de dire qu'en fait, quand t'as rien, la seule chose qu'il te reste, c'est un lien à l'autre, en fait. Oui, c'est ça qui va nous sauver. C'est finalement l'évasion dont ils saisissent dans ce que vous proposez. Ouais, et là où c'est utile, quelqu'un va entendre leur voix, leur message d'amour, même s'ils les ont au téléphone, même s'ils les ont. C'est pas pareil. Un message à la radio est un message d'amour public, quoi. Donc là, concrètement. Vous êtes en train d'écrire avec des détenus à la Talaudière et vous allez enregistrer des lettres qui ont été pondues. Et là, Johan intervient. Tout à fait. Johan, il arrive dans un deuxième temps pour les enregistrements. Ouais. Moi, je suis un peu les petites mains dans cette affaire. C'est que je débarque toujours un peu, genre deux jours après. Pour ensuite enregistrer les lettres qui ont été écrites et les enregistrer sur un enregistreur avec un micro. Et après, disons que le plus gros du travail, presque pour moi, il est après. Ça consiste à faire un montage à peu près propre et, qui serve au mieux le propos, quoi. En enregistrant la lettre, juste le texte. Donc ça, c'est la première étape. Il se trouve que j'ai eu pour à Gradignan à faire une pièce sonore avec ça, donc avec des extraits de lettres, tout ça mis en... On en a entendu un bout tout à l'heure, là. Voilà, mais donc après c'est diffusé à la radio la Clé des Ondes à Bordeaux, dans une émission qui s'appelle L'Autre Parloir, qui s'adresse... aux gens qui sont à l'extérieur et aussi aux gens qui ont été à l'intérieur parce qu'on a réussi à faire rentrer des radios dans la maison d'arrêt. Oui, à Gradignan, on fait ça. À Gradignan. Voilà, donc moi je suis presque le technicien de la bande sur ce coup-là. Mais du coup, les lettres qu'on va passer ici à Radio Dio, elles sont pas, pour nous, il n'y a pas du tout de. Il y a comment un nettoyage ? Les gens répètent pour retrouver, je dirais, presque une forme de dignité dans leur... il faut qu'ils soient hyper fiers, que ça soit fluide, qu'ils le disent bien. C'est plutôt ça le travail de... Il n'y a pas du tout de théâtralité. Ouais. Moi, je suis là pour nettoyer les scories et les... Voilà, mais c'est... Et ça, ils adorent, quoi. Il n'y a aucune modification du texte. Oui. Juste enlever la bafouille, le « e » et... Voilà. Note des recherches radio classiques en sortie d'atelier. Ah, ouais. Complètement. Voilà, et l'idée, c'est qu'ils soient fiers de ça, quoi, de la parole qu'ils... Et ils peuvent aussi choisir une chanson. Je ne sais pas si on vous l'avait dit. Si, tu l'as dit, tout à fait. Et ça, c'est génial parce que, rien que dans le choix de la chanson, ça bouscule tous les stéréotypes. Là, vous allez avoir « Je l'aime à mourir » de Francis Cabrel. Mais ouais, Francis. Et vous aurez aussi d'autres choses, quoi. Et ça, c'est génial parce que ça nous raconte aussi que c'est le monde. Ouais, tout à fait. Toutes les personnes en prison n'écoutent pas que Booba, c'est important de le rappeler. C'était exactement ça, ouais. Donc, là c'est en cours, et en parallèle, il y a aussi une création de spectacle qui va clore un petit peu ce temps de discussion. Là, de quoi vous partez pour, entre justement cette récolte intime et un spectacle qui, j'imagine, va être un peu pluriel et public, où est-ce que se joue la bascule, du coup, là ? C'est marrant parce que... Nous, au début, on pensait que c'était vraiment un temps, moi j'appelle ça de l'immersion dans le réel. Et normalement, cette immersion, elle s'arrête à un moment donné où la création va prendre le relais. Mais là, en tout cas, moi je pense que je vais continuer les ateliers en maison d'arrêt. Voilà, parce que vraiment, ça me porte, quoi. Artistiquement, humainement, ça a du sens. Donc en fait, finalement, je crois que la compagnie va garder, on en discutait avec la personne qui fait le site, faire un onglet en détention. Ce qui n'existait pas avant, en fait, et qui n'était pas notre intention. Et donc, l'idée de la création, qui est vraiment le début, parce que les débuts de résidence commencent en mars 25, donc on a encore un peu de temps, jusqu'au mois de mars, on continue ces ateliers. On va aller aussi à la maison d'arrêt de Bayonne, peut-être de Poitiers. Voilà, on va continuer à rencontrer des personnes. L'idée, c'est, pour l'instant, on est 5 au plateau. Enfin, je dis au plateau, mais l'idée, c'est de jouer partout, dans des lieux non dédiés, essentiellement. Avec une distribution qui est faite de beaucoup de musiciens et de musiciennes, parce que finalement, on voulait commencer par continuer à travailler cette idée de polyphonie ou de chorale, qui va mélanger à la fois des lettres de détenus qu'on va entendre, de la musique, de la chanson et nos propres récits. L'idée, c'est de partir d'un contexte très simple, j'ai envie de dire d'un atelier d'écriture, qui est un vrai faux atelier, parce que c'est comme, ça sera, on imagine, comme une sorte de best-of de nos plus belles rencontres. Ou moins belles rencontres, que ce soit des détenus ou des surveillants. Voilà. Il y a l'idée d'avoir une installation plastique qui se construit au fur et à mesure du spectacle et qui donne à voir plein de traces et de lettres et de rencontres qu'on a fait tout du long de ces 3 ans. Donc ça va... de vraies lettres qu'on échange avec des détenus, parce qu'on a... Enfin, il y en a 3 en tout cas avec qui on correspond. Mais ça donne aussi à voir, là, on va revoir une détenue qui est sortie et qui c'est génial ce qu'elle fait. Elle fabrique avec... des choses avec rien, ce qu'elle dit. Donc là, par exemple, elle fabrique des crochets pour faire du tricot à partir de pics de brochettes. Et donc elle va nous offrir certains objets. Ça va donner à voir comme ça, comme des traces. Donc il y a une installation plastique. En musique, on a Tony, que tu connais peut-être, Aragne. Tony Gérano, qui est bordelais, mais qui habite maintenant à Metz. Donc il a vraiment changé de région. On pourrait comment présenter comme étant une sorte de chanteur, musicien. Il est un peu multifacette et il joue dans un groupe qui s'appelle Aragne actuellement. Épais. Et Épais aussi, un groupe, ce sont des groupes bordelais, quoi. Et puis il joue sous son nom aussi. Tony Gérano, voilà. Rachel Langlais, alors où est-ce qu'on a la colonie de vacances? Alors elle joue dans la colonie de vacances, elle jouait dans Pyjamarama, dans Claptrap, dans Vagina Town, et puis elle fait aussi un solo de piano préparé. Voilà. Et Cédric Froin, qui lui vient du collectif de La Méandre, et qui est le duo de Jane dans Bien Parado, et qui est à la fois musicien et ingé son. On en est là pour l'instant, un dispositif vraiment immersif qui va faire entendre toutes ces voix et un travail, non, c'est important, en particulier avec un détenu qui est sorti, avec qui on continue à travailler en termes d'écriture, qui s'appelle Sidamed Meselem, et du coup qui rentre vraiment dans l'équipe artistique. Là, en septembre, on est en résidence d'écriture avec Sidamed dans un lieu d'écriture contemporaine à Bordeaux, et avec qui on va faire plutôt une installation cinématographique. Pour l'instant, c'est très vaste, on a un peu de temps. C'est ça, on sent que l'affaire est à suivre, du coup. Ouais. Ok, auditorices de Radio Audio, eh bien, on vous rappelle donc la diffusion de tout ce dont on vient de discuter. Ça se passera sur le 895 et sur radioaudio.org les 25 et 26 septembre. Et bien entendu, on vous annoncera ça forcément. J'avais envie et j'avais proposé un petit peu, étant donné la venue de Johan, de parler un petit peu musique, et on va finir là-dessus. Je propose tout de suite d'écouter un morceau en solo de JM Rita, et puis on va parler un petit peu de tout ça après, sur le 895. Radio Dio. Idées, c'est Radio Dio. Radio Dio. Dernière ligne droite de ce Plus fort, j'entends rien, dernier magazine de la saison consacré au travail de la compagnie Ola en partenariat. J'ai fait exprès pour t'embêter avec Superstra. Et donc un petit focus sur un personnage qui s'est dit technicien, petite main, tout ça, je fais pas grand chose. En plus, c'est méchant pour le technicien parce que c'est loin d'être des petites mains. Hein. Oui, oui, tout à fait. On n'a pas relevé, mais je suis sûr que les rôdis. Exactement, exactement, c'est très mal, Johan. C'est très mal, je vais sortir. Johan Mazet, donc percussionniste et musicien depuis pas mal de temps. On va pas faire tout le parcours parce qu'on a déjà largement débordé. Bon, en tout cas, pour ma part, et c'est un peu les projets les plus connus qui ont le plus tourné aussi à Saint-Étienne, notamment, qui a fait partie de France Sauvage, du Cercle des Malissimalistes. Plusieurs jolis concerts dans le secteur d'ailleurs. Tout à fait. Ouais, qui ont marqué les esprits. Bon, on m'en a reparlé, notamment le concert du Cercle. Celui de France Sauvage aussi, là, dans cette cave improbable. Ah oui, tout à fait. Qui était vraiment très, très bien. Je cherchais le nom de tout à l'heure, j'ai toujours pas trouvé d'ailleurs. Je suis pas sûr qu'il y avait un nom à cette colocation de nom, en fait. Dans le sous-sol d'une banque. Tout à fait. Percussionniste, donc, j'avais envie de commencer par ça, parce que du coup, tu fais aussi pas mal de travail de son différent. Ce qu'on vient d'entendre, c'est quand même pas franchement un solo de batterie. Non. Alors, pour toi, la percussion, c'est question très mal formulée, je me permets. C'est quoi taper pour toi? C'est quoi taper? Je sais pas, je vais partir de mon expérience personnelle. C'est que moi je me suis mis à taper et puis c'était comme ça quoi. Et puis j'ai pas arrêté quoi. C'est à dire que j'ai gamin, il y avait une paire de baguettes de batterie chez mes parents. Reste d'une tentative. Mon père avait voulu commencer à faire de la batterie, il l'a pas réussi parce que je suis né. Il n'a pas eu le temps. Faut réfléchir avant. Donc voilà, la paire de baguettes est restée par contre. Et moi, j'ai commencé à taper sur les fauteuils du salon, quoi, en écoutant de la musique. Et puis voilà, j'ai pas arrêté, quoi. Dans ce qu'on vient d'entendre. Alors là, pour le coup, dans ce qu'on vient d'entendre, c'est vraiment pas représentatif. Mais il se trouve que quand même, c'est pas. C'est un morceau qu'on a construit à deux, avec Christophe Ratier, qui était un des membres du Cercle des Malissimalistes, justement. Voilà, et là, bon, en fait, il y a beaucoup de percussions électroniques là-dedans, en fait, mais ça ne s'entend pas vraiment. Mais oui, voilà. Sinon, pour le reste, taper, c'est quoi avant tout, pour moi, j'ai toujours voulu être batteur, hein, plus que percussionniste. Batteur de rock, quoi. C'est ça que j'avais en tête. Le mot est lancé. Ouais, le gros mot rock, c'était ça à l'origine, quoi. Puis jazz, et puis autre chose après, mais ouais, voilà. Et j'ai toujours joué j'ai toujours eu des groupes de plus ou moins affiliés du rock, au sens large maintenant, mais. Parce que finalement, France Sauvage qui est le groupe qui m'a le plus. Qui a le plus duré, qui n'est pas du tout un groupe de rock, mais alors vraiment pas du tout, quoi. Voilà, dans lequel j'ai commencé à faire de la batterie, puis après c'était que de l'électronique et des objets en tout genre, mais pas de batterie, quoi. Je sais plus où je me suis perdu là. Ouais. Et puis, quand même depuis quelques années, je me suis mis en tête de faire un solo à partir de ce que je faisais à la batterie, quoi. Donc c'est là que je suis devenu batteur percussionniste. Tout à fait. Et ça, c'est classe. Ça fait jazz. Et ça fait jazz. Et ça pour une double page dans Jazz Magazine, minimum. Exactement. Donc, tu as un solo de batterie, percussion, avec donc une batterie comme base et après avec des objets. Tout un dispositif autour pour pas justement faire trop percussionniste relou. Ouais, c'est exactement. tu vois, t'as presque déroulé à peu près toutes les questions que j'avais prévues. Qui nous amène aussi à quand on vient de ça, justement, comment est-ce que on aborde, et là je pense au montage que tu fais autour de la constellation cabane, la création musicale, l'illustration sonore, quel mot tu utiliserais Alors, il y a ceux qui utilisent art sonore. musique acousmatique, électroacoustique, musique concrète, et puis c'est ouvert, hein, on peut en utiliser d'autres. Cette approche du son là qu'on partage à plusieurs, hein, je ne prends pas nous original là-dedans, mais c'est quelque chose qui m'est venu justement, notamment avec France Sauvage, justement, qui était un groupe très ouvert à ces formes-là, expérimentales, enfin, sur le son, quoi, sur la texture, le bruitisme, tout ça. Et puis j'en ai pris ma part, puis j'ai voulu m'y essayer seul, en fait. Aussi, ça a à voir aussi avec les musiques, enfin, ce rapport aussi aux documentaires sonores, parce que moi j'ai quand même, comme plein de gens, j'ai écouté la radio tard le soir, voire la nuit. Au moment où c'est le mieux. Voilà, donc tout un tas de le rapport au sonore, au son, à la voix, tout un tas de choses, voilà. Presque à la musique de film aussi, au son du film, pas que la musique du film, le son du film. Donc tout ça. Voilà, et mélangé à tout un tas d'autres choses. Enfin, le sonore comme entité, comment dire, large, quoi. Enfin, et du coup, bah oui, avec la compagnie Ola, bah, m'a donné la possibilité justement de m'exercer là-dedans, à faire des montages sonores avec les voix de détenus ou de jeunes mineurs étrangers, ou de toxicomanes, de prostituées, de tout un tas de gens en marge. ouais, et puis après, aussi, à titre personnel, pour moi-même aussi, quoi, j'ai fait ça, et je continue encore à faire ça. Et dans la manière dont tu abordes justement la mise en son ces différentes créas, où... En général, ce qui se joue quand même, c'est de réussir à rester en retrait, notamment pour vraiment soutenir la parole qui a l'air d'être au cœur de ce que vous faites. Tu gardes l'impression de taper, par exemple ? Non. En revanche, je dirais que dans les montages sonores que je fais, y compris même quand il s'agit d'enchaîner des différentes voix, où il n'y a que de la voix, le rapport au rythme, en tout cas, au flow, ça y est, c'est sûr. Le rapport au rythme, ça, c'est quelque chose. Enfin, c'est même pas que je cherche à faire rythme ou je sais pas quoi, mais c'est quelque chose que, oui, quand je monte même un montage de pièces, il faut que ça soit rythmé. Enfin, mais on parle de rythme en radio aussi, c'est là où effectivement, on n'est pas obligé d'être batteur pour ça. Hein. La voix, c'est pour ça que je voulais le faire. Mais c'est sûr. Bah là, par exemple, la pièce cabane, enfin la pièce sonore. Il y a plusieurs strates. Il y a le son des couloirs de prison. Il y a les lettres. Il y a la voix d'Anne-Cécile. Et puis moi, j'y ai ajouté quelques petits sons par-ci par-là pour toujours faire en sorte qu'on s'endorme pas. le rapport au rythme. Ouais, ça tape pas, mais c'est rythmé. S'il arrive dans un deuxième temps, c'est pas pour rien. C'est que ça permet qu'il y ait quelqu'un qui soit garant d'une sorte de distance. Ouais. Et que moi, j'ai pas. Et que c'est très bien que j'ai pas. Et donc après, ça se joue aussi en tension, dans la bonne tension. Où parfois, je peux tenter de repêcher des choses. Et que lui, il a un cut totalement final. Pour dire, non, là, ça sonne pas. Vous êtes le binôme de l'embrouille sur le directeur Scott. C'est que moi, j'arrive avec un regard froid et sans pitié. C'est pour ça qu'il arrive après. C'est fait exprès, quoi. C'est pas juste pour... aussi réussir à distancier des émotions du temps qu'il a créé et qui sont peut-être très déliées de ce que vont entendre les gens. C'est hyper important, quoi. Sinon, moi, j'essaye de sauver tout et ça marche pas du tout. C'est vrai qu'au montage final, je finis toujours par en enlever des bouts, souvent, pas toujours, mais parce que justement il y a le rythme et oui, que des fois on peut s'enliser comme ça, la personne va redire 15 fois la même chose avec des mots différents, et qu'à un moment donné, enfin je sais pas, c'est de penser à l'auditeur un minimum, savoir sacrifier des fois. Et que aussi aujourd'hui tu fais tout de A à Z, quoi. La plupart du temps, c'est-à-dire que toute la musique, elle est composée par... tout est composé par Johan, quoi. Globalement, oui. En fait, aussi, il y a plein de choses. C'est qu'en fait, pour pas être emmerdé par la SACEM, ça, vous devez en savoir quelque chose. Oui, mais nous, on est bien obligés de la payer. Oui, donc ouais. À part payer qui est une emmerde, on en a moins sinon. Non, mais il y a ça. Puis, c'est vrai, pour essayer d'être le plus. Comment dire, d'avoir une composition la plus originale possible. Je dis ça quand je dis original, au sens le plus basique du terme. Hein. Ouais. Sauf si maintenant, bah, par exemple pour Cabane, il y a eu ce moment où j'ai oublié son prénom, pardon. Sophie, non, Maëva. Maëva. Mais ça avait un lien quand même parce que c'est une musique qu'elle a choisie pendant l'atelier. C'est qu'en fait, au moment de la prise de la voix de Maëva dans la bibliothèque de la prison du quartier des femmes de Gradignan, il se trouve que Caroline a mis en fond sonore un extrait d'une pièce pour piano de Ravel. Il se trouve que ça passait dans le micro en même temps. Ce qui fait qu'il y a du Ravel dans la pièce, mais c'est malgré moi. Mais c'est en lien avec le contexte. Mais c'est, voilà. C'est pas « je choisis une musique illustrative ». Ouais. Ravel qui, en plus, est une des grandes embrouilles légendaires de la SACEM, le Boléro, je crois, a déchiré complètement. Ah oui, je pense que... Ouais, là, en plus, elle a choisi le gibet, quoi. Là, c'est un morceau beaucoup plus triste, qui s'appelle « Le gibet », qui est une pièce très lente au piano, comme ça, très aérienne, qui est assez plombante, ça s'appelle le gibet. Hein, donc, quand on rajoute bien une couche. Ouais. Mais c'est son choix. Une couche que moi, je n'aurais pas osé mettre. Oui, mais qui fonctionne complètement. Qui fonctionne, ouais. Un petit peu d'excès, parfois, ça marche aussi. Oui, oui, ouais. Non, mais c'est comme les gros violons quand le personnage meurt dans un film hollywoodien. Oui, oui, oui, carrément, ça fait du bien. C'est nul, mais ça fonctionne. Ouais. La glace à la vanille dans un dessert. Ouais, ça... Tout est subjectif. Allez, dernière petite question quand même. Présenter un projet qui a l'air assez récent, mais qui a l'air d'avoir rejoint un Bruxellois qu'on apprécie beaucoup à Synthé et à Radio Audio, LG, sur un trio, LG et la chimie. Tu peux parler de ça ? Je vais essayer d'en parler le mieux possible. LG, allez, alors on dit maintenant. Laurent, alias LG, m'a demandé de dire on dit Elg et la chimie. Ah, c'est pour, voilà. Voilà. C'est pour ça que c'est attaché avec l'accent. Voilà. Mais bon. Je n'ai pas toujours. Ouais. Okay. Tu es excusé. Ça a commencé très simplement. C'est que Laurent m'a proposé de jouer, de tenir la batterie et des percussions sur des morceaux de son dernier disque solo. Voilà, et ensuite ça a donné lieu à monter un groupe autour de ça, pour la suite, quoi, avec Marine Achuri, qui est, j'allais dire, une enfant du pays pas loin, voilà, qui joue sous le nom de Mille en solo. Donc on est trois, ça fait 3 ans qu'on est tous les trois. On a enregistré un disque qui sortira en avril. 2025. Qu'est-ce que je peux dire ? On met en forme des compositions de Laurent, quoi, qui vont chercher du côté de la chanson. C'est ça, c'est que l'univers est surprenant par rapport à vos connaissances. Si je dis chanson, par contre, ça suffit pas. Il y a quelque chose d'assez acoustique quand même. D'assez... Ça mêle acoustique et électronique quand même, pas mal. Ça va vers... C'est ça qui est marrant, c'est que les textes de Laurent sont quand même assez... Comment dire ? Particuliers. Métaphoriques. Ce mot veut absolument rien dire. Souvent, ça a à voir avec ses torsions mentales intérieures, avec ses rêves, avec ses angoisses, avec tout ça, qu'il arrive assez bien à mettre en image et en texte. Voilà. Et nous, on est là pour le servir au mieux, voilà. Donc oui, c'est une chance. Ça va avec le côté un peu noisy aussi. Hein. C'est pas une musique, comment dire, totalement apaisée non plus, quoi. Mais il y a quand même des mélodies que je trouve assez sucrées par ailleurs. Parce qu'il a un vrai talent de mélodiste, je trouve, Laurent. Je le dis à la radio, en plus maintenant il le sait, quoi. Même dans l'électronique, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Oui, tout à fait. Et voilà, quoi. Et voilà. Écoute, moi je te propose, et auditeuriste, je vous propose aussi, d'écouter un extrait, Le Groenland existe, qui a été enregistré au Sonic Protest l'an passé à Paname, et puis qui va clore un petit peu notre petite session ensemble. Merci à vous. Merci à toi. Merci. Allez, on écoute ça tout de suite. Donc, Elg et la chimie. Thank you. Restez fiers, restez pâles sur l'eau en plein jour. Mangez les algues à la main et la boue. Les poissons venaient parler à tour de rôle. Récitez les pages de l'annuaire. Récitez les pages de la Bible. Croisez les bateaux. T'en sais rien. Croisez tous les bateaux. Dormir sans un lit. Dormir sous les orages. Nos armes avaient fini. Elles sont faites en gâteau. On a fini la tête, je vais manger. Restaient cachés dans les arbres, trop occupés à dévorer la Bible, les étapes sont surhabitées de trop de poneys morts. Enterrer les poneys en guirlande, creuser des trous. On était supposé relire la Bible, on était supposé courir dans un film. Plus pour J'entends rien, c'est fini pour aujourd'hui et pour cette saison, puisque je vais partir en vacances. J'aimerais vous dire que je serais fort triste de ne plus être avec vous, mais il faut bien vous dire quand même que je suis content et je suis un peu réjoui. Et j'espère que votre été sera bon et sera clément. Vous retrouvez de toute façon la grille des programmes de Radio Dio dans tout ce qu'elle a de plus aléatoire, encore plus que d'habitude, dans la mesure où au gré justement des congés de chaque émission, en fait, ce sera un petit peu la surprise. Suivez donc qui continue, qui ne continue pas, qui prend de moi, les feignasses, qui tient toute la saison, waouh, bravo. Bref, laissez-vous guider par le hasard du 8-9-5. Je finis juste par deux rendez-vous qui auront lieu ce jeudi 18 juillet et qui sont d'importance et de cœur, puisqu'à midi, place Jean Jaurès, l'intersyndicale stéphanoise appelle à un rassemblement contre l'extrême droite. Ça se situe bien sûr dans le cadre de l'ouverture de notre non-assemblée très nationale. Donc, rassemblement place Jean Jaurès, si vous voulez bien faire entendre les voix pour qu'on ne fasse pas n'importe quoi avec ce qui s'est passé un petit peu avant. Et pour oublier un peu ça et passer à de la belle musique, à 18h30 au kiosque de Jean Jaurès, toujours le concert de Sepelas Monama. Vous en avez entendu parler, on l'a reçu dans cette émission, d'origine congolaise et installée à Saint-Étienne. Il avait été notre coup de cœur l'an passé dans la sélection locale Nos Talents sur scène. Vous le retrouverez donc entouré de son band extrêmement rythmique et dansant. Ne ratez ce concert sous aucun prétexte, c'est à l'heure de l'apéro, ça va être parfait. Voilà, bonjour, voilà, au revoir, prenez soin de vous et de vos autres, ciao.